Chapitre 84e. Vocation. La comtesse avait complètement caché son visage sous une mante. Comme elle avait eu le temps de passer à l'hôtel de famille, son costume était celui d'une petite bourgeoise. Elle était venue en fiacre avec le maréchal qui, plus timide, s'était habillé de gris, comme un valet supérieur de bonne maison. « Monsieur le comte, dit madame du Barry, me reconnaissez-vous ? Parfaitement, madame la comtesse. » Richelieu restait en arrière. « Veuillez vous asseoir, madame, et vous aussi, monsieur. »« Monsieur est mon intendant, » dit la comtesse. « Vous faites erreur, madame, » répliqua Balsamo en s'inclinant. « Monsieur est monsieur le duc de Richelieu, que je reconnais à merveille et qui serait bien ingrat s'il ne me reconnaissait pas. »« Comment cela ? » demanda le duc tout déferré, comme dirait tellement des réaux. « Monsieur le duc, on doit un peu de reconnaissance à ceux qui nous ont sauvé la vie, je pense. »« Ah, duc !» dit la comtesse en riant. « Entendez-vous, duc ?»« Eh, vous m'avez sauvé la vie à moi, monsieur le comte !» fit Richelieu étonné. « Oui, monseigneur, à Vienne, en 1725, lors de votre ambassade. » « En 1725, mais vous n'étiez pas né, mon cher monsieur. » Balsamo sourit. « Il me semble que si, monsieur le duc, puisque je vous ai rencontré mourant, ou plutôt mort sur une litière. Vous veniez de recevoir un coup d'épée au beau travers de la poitrine, à telles enseignes que je vous ai versé sur la plaie trois gouttes de mon élixir. Là, tenez, à l'endroit où vous chiffonnez votre poids d'Alençon, un peu riche pour un intendant. Mais, interrompit le maréchal, vous avez 30 à 35 ans à peine, monsieur le comte. Allons donc, duc, s'écria la comtesse en riant aux éclats. Vous voilà devant le sorcier, et y croyez-vous? Je suis stupéfait, comtesse. Mais alors, continua le duc s'adressant de nouveau à Balsamo, mais alors vous vous appelez? Oh, nous autres sorciers, monsieur le duc, vous le savez, nous changeons de nom à toutes les générations. Et en 1725, c'était la mode des noms en us, en os et en as. Et il ne m'étonnerait pas quand, à cette époque, il m'aurait pris la fantaisie de troquer mon nom contre quelque nom grec ou latin. Ceci posé, je suis à vos ordres, madame la comtesse. À vos ordres, monsieur le duc. Comte, nous venons vous consulter, le maréchal et moi. C'est beaucoup d'honneur que vous me faites, madame, surtout si c'est naturellement que cette idée vous est venue. Le plus naturellement du monde, comte. Votre prédiction me court par la tête. Seulement, je doute qu'elle se réalise. « Ne doutez jamais de ce que dit la science, madame. »« Oh, oh !» fit Richelieu. « C'est que notre couronne est bien aventurée, comte. Il ne s'agit pas ici d'une blessure que l'on guérit avec trois gouttes d'élixir. »« Non, mais d'un ministre que l'on renverse avec trois paroles. » répliqua Balsamo. « Eh bien, ai-je deviné ? Dites, voyons. »« Parfaitement, » dit la comtesse toute tremblante. « En vérité, duc, que dites-vous de tout cela ?»« Oh, ne vous étonnez pas pour si peu, madame, » dit Balsamo. Qui, voyant madame du Barry et Richelieu inquiet, doit deviner pourquoi, sans sorcellerie. Aussi, ajouta le maréchal, vous adorerais-je si vous nous indiquez le remède. À la maladie qui vous travaille? Oui, nous avons le choiseul. Et vous voudrez bien en être guéri? Oui, grand magicien, justement. Monsieur le comte, vous ne nous laisserez pas dans l'embarras, dit la comtesse. Il va de votre honneur. Je suis tout prêt à vous servir de mon mieux, madame. Cependant, je voudrais savoir si monsieur le duc n'avait pas d'avance quelque idée arrêtée en venant ici. Je l'avoue, monsieur le comte. Ma foi, c'est charmant d'avoir un sorcier que l'on peut appeler monsieur le comte. Cela ne vous change pas de vos habitudes. Balsamo sourit. Voyons, reprit-il, soyez franc. Sur l'honneur, je ne demande pas mieux, dit le duc. Vous aviez quelques consultations à me demander, c'est vrai. Ah, sournois, dit la comtesse, il ne m'en parlait pas. « Je ne pouvais dire cela qu'à monsieur le comte, et dans le creux le plus secret de l'oreille encore, » répondit le maréchal. « Pourquoi, duc ?»« Parce que vous eussiez rougi, comtesse, jusqu'au blanc des yeux. »« Ah, par curiosité, dites, maréchal, j'ai du rouge, on n'en verra rien. »« Eh bien, dit Richelieu, voici ce à quoi j'ai pensé. Prenez garde, comtesse, je jette mon bonnet par-dessus les moulins. »« Jetez, duc, je vous le renverrai. »« Oh, c'est que vous m'allez battre tout à l'heure. » Si je dis ce que je veux dire. Vous n'êtes pas accoutumé à être battu, monsieur le duc, dit Balsamo au vieux maréchal, enchanté du compliment. Eh bien donc, reprit-il, voici. N'en déplaise à madame, sa majesté, comment vais-je dire cela? Qu'il est mortel de lenteur, s'écria la comtesse. Vous le voulez donc? Oui. Absolument. Mais oui, 100 fois oui. Alors je me risque. C'est une chose triste à dire, monsieur le comte, mais Sa Majesté n'est plus amusable. Le mot n'est pas de moi, comtesse, il est de madame de Maintenon. Il n'y a rien là qui me blesse, duc, dit madame du Barry. Tant mieux 1000 fois. Alors je serai à mon aise. Eh bien, il faudrait que monsieur le comte, qui trouve de si précieux élixirs, en trouve un, dit Balsamo, qui rendit au roi la faculté d'être amusé, justement. Et, monsieur le duc, c'est là un enfantillage, l'ABC du métier. Le premier charlatan trouvera un philtre. Dont la vertu, continua le duc, sera mise sur le compte du mérite de madame. Duc, s'écria la comtesse. Eh, je le savais bien que vous vous fâcheriez, mais c'est vous qui l'avez voulu. Monsieur le duc, reprit Balsamo, vous avez eu raison. Voici madame la comtesse qui rougit. Mais tout à l'heure, nous le disions, il ne s'agit pas de blessure ici, non plus que d'amour. Ce n'est pas avec un philtre que vous débarrasserez la France de monsieur le Choiseul. En effet, le roi aima-t-il madame 10 fois plus qu'il ne le fait, et c'est impossible. Monsieur le Choiseul conserverait sur son esprit le prestige et l'influence que madame exerce sur le cœur. C'est vrai, dit le maréchal, mais c'était notre seule ressource, vous croyez? Dame, trouvez-en une autre. Oh, je crois la chose facile. Facile, entendez-vous, comtesse, ces sorciers ne doutent de rien. Pourquoi douter quand il s'agit tout simplement de prouver au roi que monsieur de Choiseul le trahit? Au point de vue du roi, bien entendu, car monsieur de Choiseul ne croit pas trahir en faisant ce qu'il fait. Et que fait-il? Vous le savez aussi bien que moi, comtesse. Il soutient la révolte du Parlement contre l'autorité royale. Certainement, mais il faudrait savoir par quels moyens. Par le moyen d'agents qui les encouragent en leur promettant l'impunité. Quels sont ces agents? Voilà ce qu'il faudrait savoir. Croyez-vous, par exemple, que madame de Gramont soit partie pour autre chose que pour exalter les chauds et chauffer les timides? Certainement qu'elle n'est point partie pour autre chose, s'écria la comtesse. Oui, mais le roi ne voit dans ce départ qu'un simple exil. C'est vrai. Comment lui prouver qu'il y a dans ce départ autre chose que ce qu'on veut y laisser voir? En accusant madame de Gramont. Ah, s'il ne s'agissait que d'accuser, comte, dit le maréchal. Il s'agit malheureusement de prouver l'accusation, dit la comtesse. Et si cette accusation était prouvée, bien prouvée, croyez-vous que monsieur de Choiseul resterait ministre? Assurément non, s'écria la comtesse. Il ne s'agit donc que de prouver une trahison de monsieur de Choiseul, poursuivit Balsamo avec assurance, et de la faire surgir claire, précise et palpable aux yeux de Sa Majesté. Le maréchal se renversa dans son fauteuil en riant aux éclats. Il est charmant, s'écria-t-il. Il ne doute de rien. Trouvez monsieur de Choiseul en flagrant délit de trahison. Voilà tout, pas davantage. Balsamo demeura impassible et attendit que l'accès d'hilarité du maréchal fût bien passé. Voyons, dit alors Balsamo, parlons sérieusement et récapitulons. Soit. Monsieur de Choiseul n'est-il pas soupçonné de soutenir la rébellion du Parlement? C'est convenu, mais la preuve. Monsieur de Choiseul ne passe-t-il pas, continua Balsamo, pour ménager une guerre avec l'Angleterre, afin de se conserver un rôle d'homme indispensable? On le croit, mais la preuve. Enfin, monsieur de Choiseul n'est-il pas l'ennemi déclaré de madame la comtesse que voici, et ne cherche-t-il pas, par tous les moyens possibles, à la renverser du trône que je lui ai promis? Ah, pour cela c'est bien vrai, dit la comtesse, mais encore faudrait-il le prouver. Oh, si je le pouvais! Que faut-il pour cela? Une misère! Le maréchal se mit à souffler sur ses ongles. Oui, une misère, dit-il ironiquement. Une lettre confidentielle, par exemple, dit Balsamo. Voilà tout, peu de choses. Une lettre de madame de Gramont, n'est-ce pas, monsieur le maréchal? Continua le comte. Sorcier, mon bon sorcier, trouvez-en donc une! S'écria madame du Barry. Voilà 5 ans que j'y tâche, moi. J'ai dépensé 100 000 livres par an. Et je ne l'ai jamais pu. Parce que vous ne vous êtes pas adressée à moi, madame, dit Balsamo. Comment cela? Fit la comtesse. Sans doute, si vous vous fussiez adressée à moi, eh bien, je vous eusse tiré d'embarras. Vous, oui, moi. Comte, est-il trop tard? Le comte sourit. Jamais. Oh, mon cher comte, dit madame du Barry en joignant les mains. Donc, vous voulez une lettre? Oui. De madame de Gramont, si c'est possible. Qui compromettent monsieur de Choiseul sur les 3 points que j'ai dit. C'est-à-dire que je donnerais un de mes yeux pour l'avoir. Oh, comtesse, ça serait trop cher. d'autant plus que cette lettre, je vous la donnerai pour rien, moi. » Et Balsamo tire de sa poche un papier plié en quatre. « Qu'est-ce cela ? » demanda la comtesse, dévorant le papier des yeux. « Oui, qu'est-ce cela ? » interrogea le duc. « La lettre que vous désirez. » Et le comte, au milieu du plus profond silence, lut aux deux auditeurs émerveillés la lettre que nos lecteurs connaissent déjà. Au fur et à mesure qu'il lisait, la comtesse ouvra de grands yeux et commença à perdre contenance. « C'est une calomnie, diable. Prenons garde !» murmura Richelieu, quand Balsamo eut achevé. « C'est, monsieur le duc, la copie pure, simple et littérale d'une lettre de madame la duchesse de Gramont, qu'un courrier expédié ce matin de Rouen est en train de porter à monsieur le duc de Choiseul à Versailles. Oh mon Dieu ! » s'écria le maréchal. « Dites-vous vrai, monsieur Balsamo. »« Je dis toujours vrai, monsieur le maréchal. » La duchesse aurait écrit une semblable lettre ? Oui, monsieur le maréchal. Elle aurait eu cette imprudence ? C'est incroyable, je l'avoue, mais cela est. Le vieux duc regarda la comtesse qui n'avait plus la force d'articuler un seul mot. Eh bien, dit-elle enfin, je suis comme le duc, j'ai peine à croire, pardonnez-moi, monsieur le comte, que madame de Gramont, une femme de tête, ait compromis toute sa position et celle de son frère par une lettre de cette force. D'ailleurs, pour connaître une semblable lettre, il faut l'avoir lue. Et puis, se hâta de dire le maréchal, si monsieur le comte avait lu cette lettre, il l'aurait gardée, c'est un trésor précieux. Balsamo secoua la tête. Oh, monsieur, dit-il, ce moyen est bon pour ceux qui décachètent les lettres afin de connaître des secrets, et non pour ceux qui, comme moi, lisent à travers les enveloppes. Fi donc, quel intérêt d'ailleurs aurais-je, moi, à perdre monsieur le Choiseul et madame de Gramont? Vous venez me consulter, en ami, je suppose, je vous réponds de même. Vous désirez que je vous rende un service, je vous le rends. Vous ne venez pas, j'imagine, me proposer le prix de ma consultation comme au devineur du quai de la ferraille. « Oh, comte !» fut madame du Barry. « Eh bien, je vous donne un conseil et vous ne paraissez pas le comprendre. Vous m'annoncez le désir de renverser monsieur de Choiseul et vous en cherchez les moyens. Je vous en cite un, vous l'approuvez, je vous le mets en main, et vous n'y croyez pas. C'est que, comte, écoutez donc. La lettre existe, vous dis-je, puisque j'en ai la copie. Mais enfin, qui vous a averti, monsieur le comte ? » s'écria Richelieu. « Ah, voilà le grand mot, qui m'avertit ? En une minute, vous voulez en savoir aussi long que moi, le travailleur, le savant, l'adepte, qui ai vécu 3700 années. Oh ! » dit Richelieu avec découragement. « Vous allez me gâter la bonne opinion que j'avais de vous, comte. » « Je ne vous prie pas de me croire, monsieur le duc, et ce n'est pas moi. » « Qu'étiez-vous chercher à la chasse du roi ?»« Duc, il a raison, » dit la comtesse. « Monsieur de Balsamo, je vous en supplie, pas d'impatience. »« Jamais celui qui a le temps ne s'impatiente, madame. »« Soyez assez bon. Joignez cette faveur à toutes celles que vous m'avez faites pour me dire comment vous avez la révélation de pareils secrets. »« Je n'hésiterai pas, madame, » dit Balsamo aussi lentement que s'il cherchait mot à mot sa réponse. Cette révélation m'est faite par une voix. Par une voix ? S'écrièrent ensemble le duc et la comtesse. Une voix qui vous dit tout ? Tout ce que je désire savoir, oui. C'est une voix qui vous a dit ce que madame de Gramont avait écrit à son frère. Je vous affirme, madame, que c'est une voix qui me l'a dit. C'est miraculeux. Mais vous n'y croyez pas ? Eh bien non, comte, dit le duc. Comment voulez-vous que l'on croie de pareilles choses ? « Mais y croyez-vous si je vous disais ce que fait à cette heure le courrier qui porte la lettre de monsieur de Choiseul ?»« Dame, » répliqua la comtesse. « Moi, » s'écria le duc, « j'y croirais si j'entendais la voix. » »« Mais messieurs les nécromanciens ou les magiciens ont ce privilège que seuls ils voient et entendent le surnaturel. » Balsamo attachait les yeux sur monsieur de Richelieu avec une expression singulière qui fit passer un frisson dans les veines de la comtesse. Et détermina chez le sceptique égoïste qu'on appelait le duc de Richelieu un léger froid à la nuque et au cœur. « Oui, » dit-il après un long silence, « seul je vois et j'entends les objets, les êtres surnaturels. Mais quand je me trouve avec des gens de votre rang, de votre esprit, duc, et de votre beauté, comtesse, j'ouvre mes trésors et je partage. Vous plairait-il beaucoup d'entendre la voix mystérieuse qui m'avertit ?»« Oui, » dit le duc, serrant les poings pour ne pas trembler. « Oui, » balbutia la comtesse en tremblant. « Eh bien, monsieur le duc, eh bien, madame la comtesse, vous allez entendre. Quelle langue voulez-vous qu'elle parle ? Le français, s'il vous plaît, dit la comtesse. Je n'en sais pas d'autre et une autre me ferait trop peur. Et vous, monsieur le duc ? Comme madame, le français. Je tiens à répéter ce qu'aura dit le diable, et à voir s'il est bien élevé, s'il parle correctement la langue de mon ami monsieur de Voltaire. Balsamo, la tête penchée sur sa poitrine, marcha vers la porte qui donnait dans le petit salon, lequel ouvrait, on le sait, sur l'escalier. Permettez, dit-il, que je vous enferme afin de ne pas trop vous exposer. La comtesse pâlit et se rapprocha du duc, dont elle prit le bras. Balsamo, touchant presque à la porte de l'escalier, allongea le pas vers le point de la maison où se trouvait Lorenza, et en langue arabe, il prononça d'une voix éclatante ces mots que nous traduirons en langue vulgaire. « Mon ami, m'entendez-vous ? Si vous m'entendez, tirez le cordon de la sonnette et sonnez deux fois. » Balsamo attendit l'effet de ces paroles en regardant le duc et la comtesse, qui ouvraient d'autant plus les oreilles et les yeux qu'ils ne pouvaient comprendre ce que disait le comte. La sonnette vibra nettement à deux reprises. La comtesse bondit sur son sofa, le duc s'essuya le front avec son mouchoir. « Puisque vous m'entendez, » poursuivit Balsamo dans le même idiome, « poussez le bouton de marbre qui figure l'œil droit du lion sur la sculpture de la cheminée, la plaque s'ouvrira. Passez par cette plaque, traversez ma chambre, descendez l'escalier et venez jusque dans la chambre attenante à celle où je suis. » Un moment après, un bruit léger comme un souffle insaisissable, comme un vol de fantôme, avertit Balsamo que ses ordres avaient été compris et exécutés. « Quelle est cette langue ? » dit Richelieu, jouant l'assurance. « La langue cabalistique ?»« Oui, monsieur le duc, le dialecte usité pour l'évocation. Vous avez dit que nous comprendrions ce que dirait la voix, oui, mais non pas ce que je dirais moi. Et le diable est venu ? Qui vous a parlé du diable, monsieur le duc ? Mais il me semble qu'on n'évoque que le diable. Tout ce qui est esprit supérieur... Être surnaturel peut s'évoquer. Et l'esprit supérieur, l'être surnaturel ? Balsamo étendit la main vers la tapisserie qui fermait la porte de la chambre voisine. Est en communication directe avec moi, monseigneur. J'ai peur, dit la comtesse. Et vous, duc ? Ma foi, comtesse, je vous avoue que j'aimerais presque autant être à Mahon à Philipsbourg. Madame la comtesse, et vous, monsieur le duc ? Veuillez écouter puisque vous voulez entendre. Dit sévèrement Balsamo. Il se tourna vers la porte.